Dans 10 ans, il y a moins de blancs que d'hispaniques et de noirs aux États-Unis. En fait, passé un certain stade, tu ne peux plus rien gérer. Tu peux même dire aux gens, mais vous serez écartelés vivants sur la place publique. Parce qu'à un moment donné, c'est toi contre moi. C'est la guerre. Tu vois ce que je veux dire?